tu fais avec du scotch double face sur un manche de guitare. C'est pour coller mieux les accords. Pour coller au tempo, tu mets du double face. Putain, ça doit être pratique. Si tu veux que la musique te colle à la peau, mets du double face. Si tu veux que la musique respecte le tempo, mets du double face. C'est long, faut attendre. Non, vu l'heure, je vais y aller déjà. Demain, boulot.